dans certains fonds assez incultes et assez mystérieux du parc, la rivière cessait d'être une eau rectiligne et artificielle, couverte de cygnes et bordée d'allées, où souriaient des statues, et par moments, sautelante de carpes, se précipitait, passait à une allure rapide la clôture du parc, devenait une rivière dans le sens géographique du mot, une rivière qui devait avoir un nom, et ne tardait pas à s'épandre, la même vraiment, qu'entre les statues et sous les cygnes, entre des herbages où dormaient des bœufs et dont elle noyait les boutons d'or, sorte de prairie rendue par elle, assez marécageuse, et qui, tenant d'un côté au village par des tours informes, reste, disait-on, du Moyen-Âge, joignait de l'autre, par des chemins montant d'églantiers et d'aubépines, la nature qui s'étendait à l'infini, des villages qui avaient d'autres noms, l'inconnu. Je laissais les autres finir de goûter dans le bas du parc, au bord des cygnes, et je montais en courant dans le labyrinthe jusqu'à Tel Charmi où je m'asseyais, introuvable, adossé aux noisetiers taillés, apercevant le plan d'asperges, les bordures de fraisiers, le bassin où certains jours les chevaux faisaient monter l'eau en tournant, la porte blanche qui était la fin du parc en haut, et au-delà, les champs de bleuets et de coquelicots. Dans cette charmille, le silence était profond, le risque d'être découvert presque nul, la sécurité rendue plus douce par les cris éloignés qui, d'en bas, m'appelaient en vain, quelquefois même se rapprochaient, montaient les premiers talus, cherchant partout, puis s'en retournaient, n'ayant pas trouvé. Alors, plus aucun bruit. Seul, de temps en temps, le son d'or des cloches qui, au loin, par-delà les plaines, semblaient teinter derrière le ciel bleu, aurait pu m'avertir de l'heure qui passait. Mais surpris par sa douceur et troublé par le silence plus profond, vidé des derniers sons qui le suivaient, je n'étais jamais sûr du nombre des coups. Ce n'étaient pas les cloches tonnantes qu'on entendait en rentrant dans le village, quand on approchait de l'église qui, de près, avait repris sa haute taille raide. Dressant sur le bleu du soir son capuchon d'ardoise ponctué de corbeaux, faire voler le son en éclats sur la place pour les biens de la terre. Elle n'arrivait au bout du parc que faible et douce, et ne s'adressant pas à moi, mais à toute la campagne, à tous les villages, aux paysans isolés dans leurs champs, elle ne me forçait nullement à lever la tête. Elle passait près de moi, portant l'heure au pays lointain, sans me voir, sans me connaître et sans me déranger. Et quelquefois la maison, dans mon lit, longtemps après le dîner, les dernières heures de la soirée, abritait aussi ma lecture. Mais cela seulement les jours où j'étais arrivé au dernier chapitre d'un livre où il n'y avait plus beaucoup à lire pour arriver à la fin. Alors, risquant d'être puni si j'étais découvert, et l'insomnie qui, le livre fini, se prolongerait peut-être toute la nuit, dès que mes parents étaient couchés, je rallumais ma bougie. Tandis que, dans la rue toute proche, entre la maison de l'armurier et la poste, baignée de silence, il y avait plein d'étoiles au ciel sombre et pourtant bleu, et qu'à gauche, sur la ruelle exhaussée où commençait en tournant son ascension surélevée, on sentait veiller, monstrueuse et noire, l'abside de l'église dont les sculptures la nuit ne dormaient pas. L'église villageoise et pourtant historique, ces jours magiques du bon Dieu, de la brioche bénite, des saints multicolores et des dames des châteaux voisins qui, les jours de fête faisant, quand elles traversaient le marché, piaillaient les poules et regardaient les commères, venaient à la messe dans leurs attelages, non sans acheter au retour chez le pâtissier de la place, juste après avoir quitté l'ombre du porche où les fidèles, en poussant la porte à tambour, semaient les rubis errants de la nef. Quelques-uns de ces gâteaux en forme de tour, protégés du soleil par un store, manqués, Saint-Honoré et génoises, dont l'odeur oisive et sucrée restait mêlée pour moi aux cloches de la grand-messe et à la gaieté des dimanches. Puis, la dernière page était lue, le livre était fini. Il fallait arrêter la course éperdue des yeux et de la voix qui suivait sans bruit, s'arrêtant seulement pour reprendre haleine dans un soupir profond. Alors, afin de donner au tumulte depuis trop longtemps déchaîné en moi pour pouvoir se calmer, ainsi d'autres mouvements à diriger, je me levais, je me mettais à marcher le long de mon lit, les yeux encore fixés à quelques points qu'on aurait bêtement cherché dans la chambre ou dehors, car il n'était situé qu'à une distance d'âme, une de ces distances qui ne se mesure pas par mètre et par lieu comme les autres, et qu'il est d'ailleurs impossible de confondre avec elle quand on regarde les yeux lointains de ceux qui pensent à autre chose. Alors quoi? Ce livre, ce n'était que cela. ces êtres à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu'aux gens de la vie, n'osant pas toujours avouer à quel point on les aimait. Et même, quand nos parents nous trouvaient en train de lire, et avaient l'air de sourire de notre émotion, fermant le livre, avec une indifférence affectée ou un ennui fin, ces gens, pour qui on avait haleté, sangloté, on ne les verrait plus jamais. On ne saurait plus rien d'eux. Déjà, depuis quelques pages, l'auteur, dans le cruel épilogue, avait eu soin de les espacer avec une indifférence incroyable pour qui savait l'intérêt avec lequel il les avait suivis jusque-là pas à pas. L'emploi de chaque heure de leur vie nous avait été narré. Puis, subitement, 20 ans après ces événements, on pouvait rencontrer dans les rues de Fougères un vieillard encore droit, etc. Et le mariage dans 2 volumes avait été employé à nous faire entrevoir la possibilité délicieuse, nous effrayant puis nous réjouissant de chaque obstacle dressé puis aplani. C'est par une phrase incidente d'un personnage secondaire que nous apprenions qu'il avait été célébré. Nous ne savions pas au juste quand, dans cet étonnant épilogue écrit, semblait-il, du haut du ciel, par une personne indifférente à nos passions d'un jour, qui s'était substituée à l'auteur. On aurait-on voulu que le livre continuât, et, si c'était impossible, avoir d'autres renseignements sur tous ces personnages, apprendre maintenant quelque chose de leur vie, employer la nôtre à des choses qui ne fussent pas tout à fait étrangères à l'amour qu'ils nous avaient inspiré, et dont l'objet nous faisait tout à coup défaut. Ne pas avoir aimé en vain, pour une heure, des êtres qui demain ne seraient plus qu'un nom sur une page oubliée, dans un livre sans rapport avec la vie et sur la valeur duquel nous nous étions bien mépris, puisque son lot ici-bas, nous le comprenions maintenant, et nos parents nous l'apprenaient au besoin d'une phrase dédaigneuse, n'était nullement, comme nous l'avions cru, de contenir l'univers et la destinée, mais d'occuper une place fort étroite dans la bibliothèque du notaire, entre les fastes sans prestige du journal de mode illustré et de la géographie de Eure-et-Loir. Avant d'essayer de montrer au seuil des trésors des rois pourquoi, à mon avis, la lecture ne doit pas jouer dans la vie le rôle prépondérant que lui assigne Ruskin dans ce petit ouvrage, je devais mettre hors de cause les charmantes lectures de l'enfance dont le souvenir doit rester pour chacun de nous une bénédiction. Sans doute, je n'ai que trop prouvé par la longueur et le caractère du développement qui précède ce que j'avais d'abord avancé d'elle, que ce qu'elle laisse surtout en nous, c'est l'image des lieux et des jours où nous les avons faites. Je n'ai pas échappé à leur sortilège. Voulant parler d'elles, j'ai parlé de tout autre chose que des livres, parce que ce n'est pas d'eux qu'elles m'ont parlé. Mais peut-être les souvenirs qu'elles m'ont, l'un après l'autre, rendus, en auront-ils eux-mêmes éveillé chez le lecteur, et l'auront-ils peu à peu amené, tout en s'attardant dans ses chemins fleuris et détournés, à recréer dans son esprit l'acte psychologique original appelé lecture, avec assez de force pour pouvoir suivre maintenant, comme au-dedans de lui-même, les quelques réflexions qu'il me reste à présenter. On sait que Les Trésors des Rois est une conférence sur la lecture que Ruskin donna à l'hôtel de ville de Rusholme, près Manchester, le 6 décembre 1864, pour aider à la création d'une bibliothèque à l'Institut de Rusholme. Le 14 décembre, il en prononçait une seconde, des Jardins des Reines, sur le rôle de la femme pour aider à fonder des écoles à Uncoats. Pendant toute cette année 1864, dit M. Collingwood dans son admirable ouvrage « Life and Work of Ruskin », il demeura « at home », sauf pour faire de fréquentes visites à Carlisle. Et quand en décembre, il donna à Manchester les cours qui, sous le nom de « Sésame et l'Hélice », devinrent son ouvrage le plus populaire, nous pouvons discerner son meilleur état de santé physique et intellectuelle dans les couleurs plus brillantes de sa pensée. Nous pouvons reconnaître l'écho de ses entretiens avec Carlyle dans l'idéal héroïque, aristocratique et stoïque qu'il propose et dans l'insistance avec laquelle il revient sur la valeur des livres et des bibliothèques publiques, Carlyle étant le fondateur de la London Bibliothèque. Pour nous, qui ne voulons ici que discuter en elle-même et sans nous occuper de ses origines historiques, la thèse de Ruskin, nous pouvons la résumer assez exactement par ces mots de Descartes, que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs. Ruskin n'a peut-être pas connu cette pensée, d'ailleurs un peu sèche, du philosophe français, mais c'est elle en réalité qu'on retrouve partout dans sa conférence, enveloppée seulement dans un or apollinien où fondent des brumes anglaises, pareil à celui dont la gloire illumine les paysages de son peintre préféré. À supposer, dit-il, que nous ayons et la volonté et l'intelligence de bien choisir nos amis, combien peu d'entre nous en ont le pouvoir, combien est limitée la sphère de nos choix. Nous ne pouvons connaître qui nous voudrions. Nous pouvons, par une bonne fortune, entrevoir un grand poète et entendre le son de sa voix, ou poser une question à un homme de science qui nous répondra aimablement. Nous pouvons usurper 10 minutes d'entretien dans le cabinet d'un ministre, avoir une fois dans notre vie le privilège d'arrêter le regard d'une reine. Et pourtant, ces hasards fugitifs, nous les convoitons. Nous dépensons nos années, nos passions et nos facultés à la poursuite d'un peu moins que cela. Tandis que, durant ce temps, il y a une société qui nous est continuellement ouverte, de gens qui nous parleraient aussi longtemps que nous le souhaiterions, quel que soit notre rang. Et cette société, parce qu'elle est si nombreuse et si douce, et que nous pouvons la faire attendre près de nous toute une journée, royaume d'État attendant patiemment, non pour accorder une audience, mais pour l'obtenir, nous n'allons jamais la chercher dans ces antichambres simplement ameublées que sont les rayons de nos bibliothèques. Nous n'écoutons jamais un mot de ce qu'ils auraient à nous dire. Vous me direz peut-être, ajoute Ruskin, que si vous aimez mieux causer avec des vivants, c'est que vous voyez leur visage, etc. Et réfutant cette première objection, puis une seconde, il montre que la lecture est exactement une conversation avec des hommes beaucoup plus sages et plus intéressants que ceux que nous pouvons avoir l'occasion de connaître autour de nous. J'ai essayé de montrer dans les notes dont j'ai accompagné ce volume que la lecture ne saurait être ainsi assimilée à une conversation, fût-ce avec le plus sage des hommes, que ce qui diffère essentiellement entre un livre et un ami, ce n'est pas leur plus ou moins grande sagesse, mais la manière dont on communique avec eux. La lecture, au rebours de la conversation, consistant pour chacun de nous à recevoir communication d'une autre pensée, mais tout en restant seul, c'est-à-dire en continuant à jouir de la puissance intellectuelle qu'on a dans la solitude et que la conversation dissipe immédiatement, en continuant à pouvoir être inspiré, à rester en plein travail fécond de l'esprit sur lui-même. Si Ruskin avait tiré les conséquences d'autres vérités qu'il a énoncées quelques pages plus loin, il est probable qu'il aurait rencontré une conclusion analogue à la mienne. Mais évidemment, il n'a pas cherché à aller au cœur même de l'idée de lecture. Il a voulu, pour nous apprendre le prix de la lecture, que nous conter une sorte de beau mythe platonicien, avec cette simplicité des Grecs qui nous ont montré à peu près toutes les idées vraies et ont laissé aux scrupules modernes le soin de les approfondir. Mais si je crois que la lecture, dans son essence originale, dans ce miracle fécond d'une communication au sein de la solitude, est quelque chose de plus, quelque chose d'autre que ce qu'a dit Ruskin, je ne crois pas malgré cela qu'on puisse le reconnaître dans notre vie spirituelle le rôle prépondérant qu'il semble lui assigner. Les limites de son rôle dérivent de la nature de ses vertus. Et ses vertus, c'est encore lecture d'enfance que je vais aller demander en quoi elles consistent. Ce livre, que vous m'avez vu tout à l'heure lire au coin du feu dans la salle à manger, dans ma chambre, au fond du fauteuil revêtu d'un appui-tête au crochet, et pendant les belles heures de l'après-midi, sous les noisetiers et les aubépines du parc, où tous les souffles des champs infinis venaient de si loin jouer silencieusement auprès de moi, tendant, sans maudire, à mes narines distraites, l'odeur des trèfles et des sainfoins, sur lesquels mes yeux fatigués se levaient parfois, ce livre, comme vos yeux, en se penchant vers lui, ne pourrait déchiffrer son titre à 20 ans de distance, ma mémoire, dont la vue est plus appropriée à ce genre de perception, va vous dire quel il était. Le Capitaine Fracasse, de Théophile Gautier. J'en aimais par-dessus tout 2 ou 3 phrases qui m'apparaissaient comme les plus originales et les plus belles de l'ouvrage. Je n'imaginais pas qu'un autre auteur en eût jamais écrit de comparable, mais j'avais le sentiment que leur beauté correspondait à une réalité dont Théophile Gautier ne nous laissait entrevoir, 1 ou 2 fois par volume, qu'un petit coin. Et comme je pensais qu'il la connaissait assurément tout entière, j'aurais voulu lire d'autres livres de lui, où toutes les phrases seraient aussi belles que celles-là, et auraient pour objet les choses sur lesquelles,